Nous allons revenir maintenant sur la notion d'histoire. Alors, pour comprendre ce qu'est l'histoire en elle-même, hein, c'est-à-dire l'ensemble des faits passés, il est nécessaire d'étudier au préalable une autre notion avec laquelle elle ne doit pas être confondue, celle de temps. La notion de l'histoire présuppose celle de temps. L'histoire est un processus au cours duquel les sociétés humaines se transforment au cours du temps. Et donc, c'est bien parce que le temps passe que l'histoire se déroule. Mais il faut se demander, ben, qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que le temps? De façon intuitive, on peut définir le temps comme la succession irréversible des événements. Cependant, on va voir que le temps, c'est une notion qui est plus complexe, hein. Elle relève à la fois de la physique, de la psychologie, et en même temps, elle est imprégnée de représentations culturelles et religieuses. Dans le cadre de cet enregistrement audio, on va étudier certaines grandes conceptions du temps, hein, traditionnelles, et la façon dont ces conceptions du temps ont influencé la façon de se représenter l'histoire. Ce qu'on peut noter, c'est que on retrouve dans de nombreuses cultures anciennes, l'idée d'un temps cyclique. Alors, ça a été une première manière de se représenter le temps, c'est de façon cyclique, avec des cycles qui se répètent. Ainsi, aussi bien en Mésopotamie que dans la Grèce antique, ou encore dans l'Inde traditionnelle, le cosmos est conçu comme éternel, mais néanmoins rythmé par des cycles qui s'enchaînent les uns aux autres et qui sont destinés à se répéter. Un des cycles qui peuvent durer, s'étendre sur des millions d'années. C'est ainsi qu'on le remarque, par exemple, dans la pensée hindoue. Alors, cette appréhension cyclique du temps, elle est fondée sur l'appréhension des cycles naturels. Par exemple, le cycle du jour et de la nuit, les cycles lunaires, les cycles des saisons, etc. Et puis, par la suite, les sages anciens ont tenté d'étayer cette conception, un petit peu intuitive, à partir d'observations astronomiques, notamment. C'est pour ça que vous retrouvez dans beaucoup de grandes civilisations antiques une grande importance de l'astronomie, ce qui joue aussi un rôle pour les cultures, hein. Voilà, c'était des civilisations agraires, et ce lien, cette idée des répétitions des cycles était liée aussi à l'activité, aux activités agricoles qui occupaient une grande part de la vie de ces civilisations. Alors, la représentation cyclique du temps, elle trouve écho dans les mythes, hein, autour desquels se sont construites une grande partie de ces cultures anciennes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Un mythe, c'est un récit, c'est une histoire relatant à la fois l'origine du monde et expliquant pourquoi les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Ici, je m'appuie sur la définition qui est donnée notamment par l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Alors, cette origine du monde, qui est décrite dans le mythe, elle est généralement présentée sous la forme d'une catastrophe, ou du moins d'un événement décisif, lequel a institué l'ordre dans lequel nous vivons actuellement. Les rituels, qui réitèrent symboliquement l'événement, relaté dans le mythe, permettent aux membres du collectif de répéter les gestes du héros, des dieux, des anciens qui sont figurés dans le mythe. Et puis par la suite, les événements nouveaux vont pouvoir être réinterprétés à la lumière des mythes, comme des répétitions de ces événements ancestraux relatés et transmis de génération en génération. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le mythe, il a une visée pratique. Il prévoit les rites permettant de réunir les membres de la collectivité, et ces rites rythment la vie de la collectivité, inscrivant le temps cosmique, hein, le temps cosmique décrit dans le mythe, le temps des dieux, des héros, dans un temps social expérimenté par les membres de la collectivité. Alors, on entend ici par temps social les rythmes de la vie collective, c'est-à-dire les rythmes définis par les heures de travail et de repos, les heures de repas, les jours de fête, les jours de culte, etc. Et la perception du temps, elle est en grande partie influencée par ces rythmes de vie qui eux-mêmes dépendent donc de normes collectives partagées au sein d'un groupe. Cette conception cyclique du temps, elle a exercé une forte influence sur les représentations de l'histoire. Pour prendre un exemple fameux, on va prendre l'exemple de Platon, voilà, philosophe grec, qui adopte un modèle cyclique pour décrire l'évolution des régimes politiques. Dans la République dans laquelle il cherche à établir un modèle de cité idéale, il nous dit que bon, eh bien, si on parvenait à fonder une cité dotée d'une constitution idéale, pour lui, ça correspond à une espèce d'aristocratie des philosophes, eh bien, ce régime, il va nécessairement décliner, hein, et au fil des générations, laisser place à d'autres régimes de plus en plus corrompus. Donc à l'aristocratie des philosophes va succéder le gouvernement des chefs militaires, respectés pour leur honneur, mais dépourvus de la sagesse des philosophes rois. Ensuite, à la génération suivante, les fils des militaires, donc les fils qui eux sont riches et puissants, mais sans l'honneur de leur père, vont prendre le pouvoir au nom de leur richesse. Mais leur corruption et leur arrogance va entraîner la haine du peuple, qui va finir par les renverser et prendre le pouvoir. Mais ce que dit Platon, c'est que la démocratie qui va alors s'instaurer, elle va jamais pouvoir se maintenir longtemps, car Platon considère que le peuple se laisse facilement manipuler par les démagogues, et c'est ainsi que pour Platon, la démocratie dégénère toujours en tyrannie. Et à son tour, le règne irrationnel du tyran, qui règne en fonction de ses passions, va conduire à la ruine de la cité, et donc on va parvenir à la fin d'un cycle. La cité va s'effondrer pour laisser place à une nouvelle, et donc à un nouveau cycle qui va repartir encore, et ainsi de suite. Alors, face à cette conception cyclique du temps, qu'on peut retrouver dans un certain nombre de civilisations, eh bien, les religions monothéistes, au premier chef le judaïsme, elles vont porter une conception un peu différente du temps, une conception qui, elle, se voudra plus linéaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par un temps linéaire? C'est-à-dire le temps peut être représenté par une ligne marquée par un point de départ et un point de fin. Alors, dans la pensée juive, Dieu est conçu comme créateur du monde. Le monde est créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, et le temps commence par cet acte divin de création. Alors, le judaïsme a progressivement élaboré un discours qui va se vouloir messianique et eschatologique. Alors, le messianisme, c'est quoi? C'est la croyance en l'attente d'un messie, un sauveur ou un rédempteur. Et ainsi, voilà, donc les premiers chrétiens, ce furent ainsi des juifs qui identifièrent Jésus-Christ comme le messie annoncé par les prophéties, mais il ne fut pas reconnu comme tel par tous les juifs. Et l'eschatologie, qu'est-ce que c'est? C'est le discours sur la fin des temps. Donc, de même que Dieu a créé le monde et fait commencer le temps, un jour il y mettra fin. Donc, cette conception qui est née un peu dans le judaïsme, elle a été reprise ensuite par les chrétiens, mais aussi par les musulmans. On va retrouver un peu ce schéma-là de pensée, de conception du temps. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette conception du temps, eh bien, le temps cosmique, c'est-à-dire le temps du monde, il est plus ou moins, ou en tout cas en grande partie, identifié au temps historique, c'est-à-dire le temps d'existence de l'humanité. Dans la Genèse, l'homme est créé par Dieu au cinquième jour de la création. Voilà, dans les premiers jours, Dieu crée le ciel, la terre, les étoiles. Et puis ensuite, voilà, au cinquième jour, il crée l'homme. Et à partir de là, c'est le début de l'histoire, d'une certaine façon. Et à partir du moment où Adam et Ève sont chassés du paradis, voilà, ça y est, on entre dans l'histoire. Et l'âge du monde, il a été calculé ainsi par les religieux juifs à partir des générations d'hommes décrits dans la Torah, c'est-à-dire la Bible juive, donc ce qui correspond au début de la Bible chrétienne. Et donc ils ont calculé un âge du monde à partir des générations depuis Adam. Et ainsi, ils estiment que le monde aurait environ 6000 ans. Cette estimation, elle a été reprise en grande partie par le christianisme et l'islam, notamment dans leurs interprétations un petit peu littéralistes, hein, de ces trois religions. Une interprétation littéraliste et qui se veut prendre le texte tel qu'il est, sans distance interprétative, si vous voulez. Alors, même s'il a pu exister des débats, hein, au sein des différentes religions sur l'âge exact, est-ce que c'était 5500, plus de 6000, voilà, il y a des débats, mais c'est à peu près, voilà, environ 6000 ans. Cet âge du monde a été ensuite longtemps considéré comme un dogme. Et par exemple, l'Église catholique, bon, elle a longtemps retenu cet âge-là, finalement jusqu'à revenir dessus seulement au 19e et puis au 20e siècle, pour mettre en accord son dogme avec les connaissances scientifiques. Et donc cette conception religieuse du temps, elle a déterminé pendant des siècles la façon dont on considérait l'histoire. Celle-ci apparaissait comme guidée par la providence divine, les événements historiques, par exemple la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, la chute de l'Empire romain, la Grande Peste, tous ces événements pouvaient être lus comme des épreuves imposées par Dieu et autant d'étapes menant à la fin des temps. Donc la conception de l'histoire, elle a été longtemps déterminée par la perception du temps véhiculée par la religion. Et c'est seulement avec ce qu'on a appelé le processus de sécularisation, c'est-à-dire de repli de la religion sur la sphère privée et d'avènement de la pensée scientifique, donc au cours des 4-5 derniers siècles, que finalement cette conception religieuse a été un petit peu détachée de notre représentation du temps et qu'on a fini par adopter progressivement, disons depuis le 18e, 19e siècle, une conception plus rationaliste de l'histoire.